balade mon bas sans l'étonner. Pour faire pas au disco, moi pour ça montrer. L'homme découvre tes boîtes, la power en lien. Mon papa m'a envoyé un yen.